bonsoir, bonjour, bienvenue dans le secret du son d'Abba. Bonsoir DJ Melon. Hello Grégoula. Bienvenue dans le retour du secret du son d'Abba pour cette deuxième essai dans leur petite maison studio au fond des bois. Au fond des bois, la caravane qu'avait laissée mon oncle. Et ben voilà, on y est, on est bien, on est au chaud. On vous dira pas sur quel terrain vague on traînouille, mais je peux vous dire que c'est mal famé. On va commencer tout de suite cette nouvelle émission avec le retour discret, mais qu'on annonce évidemment prometteur, de l'ami Jimmy Stewart de Chouchou, qui a changé de label maintenant, qui est sur Polyvinyl de Records, comme leurs amis de The Roof. Voilà. Avec un joli petit EP. Un petit EP où il reprend gentiment et joliment notre amie Rihanna avec Only the Girl. On écoute ça dans le secret du son d'Abba qui va être légèrement coolish peinardos. Promis? Only Girl in the World, c'était Chouchou qui reprenait Rihanna dans le secret du son d'Abba. Pas la première fois, je crois, qu'il s'approprie les sucreries US. Hein, et non, il adore ça. Il aime le R&B. Il aime le R&B, on aime bien le R&B, on aime bien Chouchou, donc ça tombe très bien. Tiré d'un 45 tours sorti durant l'été 2011, plutôt conseillé. Voilà, sorti donc sur Polyvinyl, le nouveau label de Chouchou, peut-être pour une meilleure exposition, on en parlait dans les précédentes émissions de Secret du son d'Abba. Le succès commercial de Chouchou est un peu l'arlésienne ouais, total. En ce qui nous concerne. C'est à chaque fois, on parie que ça va cartonner cette fois et à chaque fois, on se plante. On vendrait notre chemise et on se planterait à chaque fois. Voilà, donc à remarquer qu'avec leurs amis, avec ses amis de D-Roof, ils ont sorti un EP où ils reprennent l'une de leurs plus grandes inspirations, évidemment Joy Division, et voilà, qui est plutôt chouette, qu'on aura peut-être l'occasion d'écouter, qui est sorti sur un obscur label. Donc voilà, pas facile à choper, sorti qu'en CD. Ils ont fait une série de concerts au Japon, entre autres, hein, au printemps ou au début de l'été, où ils jouaient dans cette formule. On va poursuivre avec Darien Concept Project. C'est pas Gotham Project, rassure-moi. Non. Tu m'as fait peur un instant là. Surtout pas. Et donc, je voulais dire voilà, qu'on va écouter dans une concept qui vient de signer sur Ninja Tune en ce début 2011 pour un très joli EP. Il avait fait deux précédents EP vraiment très chouettes auparavant, dont un en autoprod. Et on va écouter son petit électro. Catchy comme il faut, bien branlé, on pensera évidemment un peu à Montebin, un peu à Square Pusher, etc. On est Racine Ninja Tune, mais un côté un peu plus froid, pas loin de certains trucs d'Aphex Twin, qui doit nous sortir un nouvel album d'Aphex Twin à cette rentrée 2011, mais on l'attend. D'ici 2020, je crois. Mince, il a repoussé. Dans une concept project dans Secret du Sabbat, tout de suite. Yeah. Substract dans Le Secret du Son d'Abba, c'est pas une surprise, mais c'est un joli album. Premier véritable album pour Substract, le londonien. Si j'ai pas perdu mes fiches, il s'appelle dans la vraie vie Aaron James. Il vient de sortir son premier album qui s'appelle Substract sur Young Turks, le label où on retrouve Jamie XX, qu'on a parlé dans un précédent numéro du Secret. Voilà, on est vraiment dans la lignée post-dubstep. Autant dire qu'on est vraiment dans le move, là. Voilà, et il paraîtrait même qu'il jouerait au Transmusical de Rennes à la rentrée. À la rentrée au mois de décembre, dans les frimas de l'hiver. Donc c'est pour vous dire qu'on est vraiment complètement dans le buzz. On n'a jamais été autant au taquet, je crois. Ouais, alors vraiment, je pense que c'est Jean-Luc Brossard. Il a trop zioté nos playlists et il s'est dit banco les cocos, je vous suis cette année. On va voir s'il va nous suivre sur le coupé décalé et le coup d'euro qu'on va lui balancer d'ici quelques émissions. On verra. Mais bon, pour le moment, Jean-Louis, t'es avec nous. On poursuit. Sera-t-il avec nous sur Sven Kacirek? Qui sait? En tout cas, j'avais pas eu l'occasion d'écouter les travaux de cet Allemand né à Hambourg manifestement. Auparavant, il y avait eu un album qui s'appelait The Palmin Sessions. Et puis là est sorti cette année un album qui s'appelle The Kenya Sessions, moi, dont je suis tombé assez amoureux. On est dans un univers très allemand, très à la compacte, Cologne, etc. J'ai beaucoup pensé. Froid, ouais. Ouh, froid avec meilleur. Ce côté. La chaleur allemande, tu la sens, la chaleur allemande. C'est ce que je disais. Non. Il y a un côté chaleureux derrière dans les arrangements feutrés, etc. Propre à la musique de Cologne. Je pense notamment à des gens comme Tarwater. Mais ça m'a fait aussi penser, pourquoi pas, c'est des Anglais, Fortet. Ouais. Voilà, dans un autre, enfin pas vraiment dans un autre registre, d'ailleurs dans un registre qui est assez proche. Et cet univers soulignant ou accompagnant des enregistrements de musique traditionnelle kenyane qu'il a pu aller faire de lui-même dans les mois qui ont précédé. Ça donne quelque chose de vraiment savoureux où les enregistrements, les voix kenyanes se mêlent à merveille aux parties électroniques et les parties de percussion, marimba, etc. dont Sven Katsirek est un spécialiste, c'est un batteur à l'origine. Vraiment un album chaudement recommandé. C'est sorti sur Compact ou pas du tout? Alors ça n'est pas sorti chez Compact, c'est probablement distribué par Compact et ou à musique. C'est un label qui s'appelle Pingy Pung. Peut-être est-ce un sous-label de Compact. En tout cas, c'est dans la sphère Compact. On écoute le morceau Maria. Vous êtes bien dans Secret du Son là-bas, et vous voyez bien que entre l'Allemagne et le Kenya, il n'y a qu'une seule route. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, drums. One. Voilà, bienvenue chez Razada. Voilà, en tout cas, un son qui crachote avec une vinyle qui sent l'humidité aussi. Qui, je sais pas qui a dormi dans cette caravane toute la semaine, mais vraiment, il y en a un peu partout. Qu'est-ce qu'on a écouté, Sylvain? Mais qu'est-ce qu'on a écouté? C'était bon, c'était Roots, ça nous venait du Liban. C'est Tony Franks and the Episodes, Crazy Woman, un bon petit tube des années 70, voire même avant. C'est sur l'excellentissime compile Waking Up chez Herazad, volume 2, que j'ai personnellement préféré au volume 1, lui-même déjà consacré au rock psyché, etc., en provenance du bassin méditerranéen. Donc des années 60-70. Voilà, et plus largement d'ailleurs d'Afrique du Nord, puisqu'il y a aussi des morceaux soudanais, par exemple, égyptiens, marocains. Bref, le volume 2 est à mon sens plus typé de ces régions. On sent plus le côté Moyen-Oriental, sans que ça verse dans le côté folklorique au sens dépréciatif du terme. Disons que le volume 1 était vraiment beaucoup plus typé occidental et m'avait moins séduit. Voilà. Donc c'est sorti courant 2010 chez deux labels néerlandais, Grey Path Records et Alibaba and his 40 Records. Très très bon, c'est Waking Up. Avec une pochette, autant vous dire, elle déchire cette pochette. Avec une pochette à regarder avec des... J'ai presque envie de dire avec des lunettes 3D. Là. Ouais, parce qu'elle envoie la caisse. Voilà, encore, chaudement recommandé. Chaudement recommandé. Encore tout ce travail de défrichage là, parmi plein de labels là, qu'on suit depuis plusieurs années maintenant dans le secret du Sousa là-bas, qui font un travail religieux, hein, quasiment religieux, de retrouver, historique en tout cas, de retrouver dans les entrailles des disquaires paumés, on ne sait où, dans le monde perdu. De Khartoum à Nairobi. Voilà, et ils nous ramènent des pépites, et c'est vraiment chouette, un grand plaisir en tout cas, où on redécouvre toute la singularité de ces musiques qu'on a rarement entendues, en tout cas par ici, ces dernières années, et pour cause. On poursuit avec, pour le coup, un combo qui vient aussi de l'Est de l'Europe, entre les Roms de Taraf des Hajduk et la Macédoine de Kosani Orchestra. Je parle bien sûr du deuxième album de Band of Gypsy, qui avait déjà fait un superbe forfait l'année 2001, sorti sur Kramet Disc. Le volume 2 est sorti courant 2011. Ils avaient tourné, alors autant vous dire que c'est cette rencontre entre deux monstres sacrés des musiques des Balkans ne s'est jamais fait simplement. On imagine qu'il y a eu du règlement de compte à gogo dans les coulisses, des batailles au couteau, comme c'était raconté dans le magazine World Sound il y a 2 mois à plusieurs reprises, hein, ce qui avait mis un peu fin prématuré à la première partie de l'aventure. Ils ont dû ranger les couteaux, changer quelques membres du groupe et c'est reparti pour de nouvelles aventures. On a eu la chance de les voir au Festival des Escales cet été à Saint-Nazaire. Et c'était un joyeux bordel. Un joyeux bordel. On a l'impression au début qu'ils sont 12 et on se rapproche de la scène, ils sont bien 25. Et c'est totalement ingérable. Le sonoman s'est arraché les cheveux. Il nous a explosé les oreilles. Alors c'est pour ça que moi je me suis rapproché. C'est vrai que du coup, j'avais pas la sono dans la. J'avais juste le son du groupe et que c'était vraiment. Et ça sonne en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça sonne vraiment très très bien. C'est complètement improbable, mais c'est joyeusement foutraque. Et vraiment, c'était un très très chouette moment. Très convaincant. Voilà, et avec une classe très, toute particulière sur scène, où on a des musiciens qui commencent à jouer le morceau, puis bon, finalement ils vont boire une bière, ils retrouvent les potes derrière, ça discute. C'était aussi drôle à voir qu'à écouter. En tout cas, on va écouter un extrait de ce deuxième album, Band of Gypsy. On va appeler écouter Talk to Me du Saut. C'est parti. Oh, tambanat. Oh, Slocobed dans le secret du son d'Abba avec My Sin Smells Comes, tiré du EP qui vient de sortir en ce début d'année 2011 sur encore Ninja Tune, et on a encore l'impression d'être chez Warp. Voilà. il se passe les couverts, il se passe les plats, enfin bref, on sait pas quoi. On s'étonnait là, finalement ça sonne comme de la pré-électronica, ouais, plutôt que du post-dubstep. Parce que évidemment l'étiquette de Slocobed c'est post-dubstep, évidemment. Et c'est vrai qu'on a plutôt l'impression d'être plongé dans les deux premières années de Warp, les premiers essais d'Artificial Intelligence, les Sweet Exorcist et autres, Nightmares on Wax, etc. Ah ouais, vraiment Wax, les très bons trucs qui faisaient le pont entre l'électronica froide anglaise et les influences américaines, techno, electro house. Finalement, c'est assez bien fichu et c'est un joli revival. Moi, je vais pas m'en plaindre, j'aimais bien cette époque-là. Maintenant, c'est vrai qu'on va pas non plus en faire des tartines. On va pas en faire des tartines, mais j'aime bien ce EP. Et je voulais en passer un petit extrait, Slocobed, qui a déjà sorti d'autres maxi avant de signer sur Ninja Tune, qui signe à tout va. Hein, Ninja Tune qui a toujours du flair, manifestement. Ouais, bah oui, quand même. On s'en félicite. Ouais, on s'en félicite parce que, à l'instar de Warp, on aime ces labels qui savent durer et qui savent toujours nous plaire, malgré les années qui passent. On va poursuivre avec un autre style, un autre genre, avec... Oui et non, enfin non, on va rester dans le post-electronica, post-dubstep, on sait plus comment appeler ces musiques hybrides, et c'est pas plus mal. On part au Portugal. Ah bah voilà, le Portugal, après avec l'Angleterre. Avec HHY, c'est Jonathan Saldanha. De Macumbaz, c'est un combo, un trio je crois, enfin quoi, qu'ils ont l'air d'inviter de temps en temps un peu plus de monde, trompettistes, bassistes, batteurs, etc. Les notes promo évoquent du Space Age Voodoo Dub. Tout simplement un joli 7 inch, un joli 7 pouces, donc sorti par Supa récemment, manifestement, j'ai même pas la date, bidon. Je crois que c'est du printemps 2011. Vraiment un chouette petit EP. Et on va s'écouter par contre une version publiée par les compiles que fait régulièrement le magazine The Wire, c'est les Tappers, pour ceux qui connaissent. C'est le Tapper 25 et c'est donc le morceau Legba version in dub. HHY and the Macumbaz. Thank you. said that it'll take us. They're gonna burn us in a furnace with all the learners. Mark my tears, acid on my skin. I thought the whole thing disappear beneath the waves. Predictive strays lubricate the slaves. Ingenious ways, frozen movement. Cells, but I question devotion. I cannot make up my mind. When offered a fresh glimpse of the inventors of life, impossibility of deciding the truth. Specify your requirements, list all your rules. Tantalize the demons investing in you. Investing in you. Investing in you. Crush my hell to be my heaven. Be my heaven. My heaven, crush my hell, be my heaven, crush my hell, be my heaven, be my heaven, be my heaven. I was unaware to compensate the blessed. Uncontrollable strength and symptoms is effective. My negative defense demonstrates a diagnosis. Perhaps it didn't die. Perhaps it didn't die. Lost in a thickening mist. Perhaps it didn't die. Perhaps you believed a lie. Perhaps you believed a lie. You was meant to act. So full were they thrown. Digest the sorrow. Absorb the horror of a story at all. Nourish your soul. Nourish your soul. Nourish your soul. Crush my hell. Be my heaven. Be my heaven. Be my heaven. Crush my hell. Be my heaven. Be my heaven. Be my heaven. We'll be right back. excellent morceau de Fujako tiré de ce super album, double album, qui était sorti au début de l'année 2011, c'est ça ? Alors c'est sorti au printemps, encore une fois, ça pourrait être vague, et on s'en était déjà fait une tranche dans une précédente vie du secret du son d'Abba. C'était à l'époque publié pour le département digital de World Sound. On se souvient que World Sound, label américain de rap underground basé à New York, tenu par Skifanando, tenu par Skids, avait effectivement vu juste en publiant ce disque, mais de manière digitale, parce qu'on sait qu'ils n'ont plus trop de moyens de publier autant qu'ils ont pu le faire dans le courant des années 90 et début des années 2000. On s'était régalé avec ce disque en espérant cette sortie vinyle dont nous a gratifié le label français Angström, basé en plus exactement actuellement à Bruxelles. Très très belle édition, très beau travail sonore de mastering de Fred Hallstatt et Jan Dub. Je suis très content de l'avoir. De la belle ouvrage, messieurs. Super morceau, quoi, vraiment, avec des ambiances. Morceau. On s'est pas innocent de le passer derrière le morceau des Macumbas, puisque c'est Fujako n'est autre que HHY et son compère franco-bruxellois Nico Esterlé, alias Repeat. On retrouve dans Solar Skeleton. Et donc HHY, dont on retrouve la patte, les ambiances un peu de cuivre fantomatique et les breakbeats brinque-ballant et complètement bancal de Repeat. Ça fait mouche avec au micro Scalper, ancien leader de Fundamental, dont on pourrait un de ces jours passer un extrait de son album paru il y a quelques mois. D'accord, je suis complètement passé à côté. En tout cas, vraiment, on a bien fait de s'en remettre une petite tranche de ce petit Fujako, parce que maintenant que j'ai dans les mains, je l'apprécie un peu plus, j'avoue. Parce que l'aspect digital des choses fait que des fois, on passe un peu à côté. On va revenir sur un personnage bien bien connu de la scène électronique mondiale, Vinesh Sensners, Aaron Funk, qui s'attaque au reggae. Ouais, oui, avec son EP là, qui est sorti pile poil fin du printemps, début de l'été 2011. Parfait pour aller à la plage, complètement dubby, complètement reggae, complètement fralé un petit peu hein, sur les bords. Ouais, comme je disais hors antenne, à mon avis, un Weisman, tu lui mets ça entre les oreilles, il se pend le gars. Mais non, mais maintenant ils sont hyper open, c'est bon. Voilà, Van Schensters, il n'a pas oublié que c'était la mort les 20 ans ou les 30 ans de la mort de Bob Marley, et il a vu la bonne EP, quoi. Et là, il s'est dit, je vais faire un pur EP de reggae, et voilà. Et on va écouter une tranche, et tous les Rasta, tous les fans de dancehall, il faut qu'ils soient là ce soir, parce que... Ça s'appelle Ever Apparent All Being Shoulders, c'est sur Cubis Reggae, et c'est évidemment Planète Mu qui nous gratifie de ce petit 4 ou 5 titres. 4 titres. I know who it is. Prodigy, Lab Tech, Dead Verse, Mudslingers, Jaren Effects. A Seek feature film at nine, the mind was so focused, imminent factors, bad actors, just feed off the villain. A million fold will carry on out, I'm unjust format, the mailman brought the bad letter. I'm emotional, I'm drained of words, speaking lies, recreated positions. I occupy to invent the strategy, what's backing me, a drum kick, the snare, the rare tune, the synthetic groove beat, responding quick, yo Rick, stay focused. Lab Tech defines reality, Dead Verse the cure, I'm the Kurt Cobain of hip hop, the 48 radius was my way of walk, train rides of anxiety buried inside me, I'm a manipulated disease, trust your insights, I only see all my regrets just made me stronger, no reruns in my life, all just mugged up, you're facing challenges while your mind all burns all fucked up, different phrases at the oddity you change, nigga, who is afraid of the morning rush, the 3 to 6, the clock keeps turning, burning smoke in circles, ciphers rhyming within the radius, I erased all tragic downfalls of the forbidden fruit, paragraphs relate the change, the streets still the same, just with strong main visuals on criminals, magic eye, public enemy number one, the signs of the new era, I seem to do better, I have stepped out within the boundaries, read 100 centuries about life's walks within the findings, I'm grinding, do you remember all my experiences in 91, a bliss, I kissed my life away, no more can I react to such bliss, you just grow out of the twist, there's a big list of heads that wanted to get out, you're unable to submit to my computation, confiscating land, giving it to pagan, a holiday, political religion, Christianity, would have me worshiping a hippie, imaginary concepts of your mankind, the kind of man who enslaved Nubians, I'm soon to kill you off like smallpox, now crack rock is your sedation, patients stay at genocide, general hospital, where logic is comical, chemical warfare spreads through tumorous, numerous units, let us unite, those were the days before Hayes and Piff, everybody wanted to sniff, the 80s and 90s was just tragic, time was a definite change, people died and wired bent out of shape, I hate to see that cat that put me out, it's an older form, I still compete, the mission to condition the cap, the unseen to adapt, the new fried identity, I fly my mind, I translated my conception, I will rise 865, the unidentified, surprise of the storm. Ecstasy trips, the way she move, I got 24 hours of subway to think, the brink of the thought that only comes within balance, talent shows provide the certain average, a savage beat maker, rhyme innovator, I go back into the old, unwinds the cure is my music, and just drained out, oddity, the land of the lost, the oddity, the land of the lost, interest has destroyed the game, my words and wisdoms controls the barrier. Secret du son d'Abba. Alors on vient de s'écouter effectivement Audio Activism Volume 2, c'est sorti en fin d'année 2010 chez Jarring Effect, et c'est vraiment une compile qui célèbre le virage hip-hop électro du label. Parce que ça fait déjà quelques années, on va dire 3-4 ans là, il s'y était mis pas mal. Voilà, mais là, le pas est pris, je veux dire c'est du 100%, il y a une couleur sonore, ils se sont attirés les services d'un staff afro-américain au sens propre du terme, hein, puisqu'on a aussi bien des gens d'Afrique du Sud que des gens des États-Unis, de Play-Doh et Ben Sharpa au collectif Deadverse avec Odadi qu'on vient d'écouter et les autres. Donc là, c'était Picor. Ce qui est génial, c'est que pour une fois, on parle que de mecs qu'on a déjà vus. Bluebird, on l'a déjà vu. Bluebird est de la partie, tout à fait. Ben Sharpa, il est de la partie. Audat, évidemment, on en a déjà parlé longuement dans cette émission dans le passé. Donc, c'est des gens qui existent. Je veux dire, pour des rappeurs, ils ont une existence sur la scène européenne. Alors que les rappeurs américains, souvent, on parle de choses très obscures ou surmédiatisées qu'on voit jamais, en tout cas, dans les parages. Tout à fait. Et des gens abordables et qui font de la musique de qualité. Picor, donc, au son. On notera au passage que Picor vient de sortir un album sur Jarring Effect qui a l'air assez savoureux avec une version d'ailleurs remixée où les noms se bousculent. Là, je lisais ça de Scorn, il y a nos amis de Dirge à Int, manifestement passant par les gars de Deadverse, on vient de le dire, et Mera Asher. Je disais bien que j'avais vu un nom qui m'avait sauté aux yeux. Voilà, peu importe, on en reparlera en temps voulu. On va se quitter avec notre séquence, bien entendu un petit peu décalée, un peu africaine évidemment. Et on va écouter un vétéran parmi les vétérans, Papa Courant, qui va ressortir son album sorti en 2008. Alors c'est l'un des vieux de la vieille de la rumba congolaise. Alors dans ses nouvelles formes, dans une version aujourd'hui non électrifiée, ce qui fait le charme de Papa Courant, qui a sorti un album dont on va écouter un extrait qui s'appelle « Tout restera ici-bas », sur l'Afrique, etc., qui est savoureuse, vous allez voir. Ce qui est intéressant à Papa Courant, c'est que son album est sorti en 2008-2009 au Congo, et là, il va ressortir sur Radio Clit Secousse, qui va, à mon avis, lui donner une audience un peu plus large dans notre pays où les gars de Secousse commencent à se faire entendre, alors plutôt dans la région parisienne, etc. Vous pouvez aller les visiter. Maintenant, ils ont un lieu. Alors, je ne sais plus dans quel arrondissement à Paris, c'est pas le quartier général, où ils ont aménagé un lieu dans l'esprit un peu africaine, France-Afrique, en tout cas bien décalé et bien rigolo. On écoute Papa Courant, Tout restera ici-bas, tiré de son album Les merveilles de Sansa. Un album chaudement recommandé. J'ai l'impression qu'on est chaud ce soir. Ah, mais on est très, très, très chaud après le reggae, reggae, reggae de Venetia Snares. Et ben maintenant, on parle la rumba congolaise, voilà, on la fait pas. Dans le secret du son d'abord, on n'y est pas. Ah la la la la la la. Écoutez la joie d'Afrique. Ah la la la la la la. La mélodie de la sansa. Ah la la la la la la. Écoutez la joie d'Afrique. Ah la la la la la la. Kikembe chez du coco. J'ai pensé à mes stars disparues. J'ai pensé à Polo Kamba, Massamba le Belle, Mokono Philo, François Bamanabio, Franklin Bukaka, Kunta Mamadou, Pamelo Munka, Angelino, José Misamu, Mami Claudia, Marie Bella, Awakani Marcel, Abbasele Joseph, Mouloua Mama Kiadi, Tokotere Nico, et Jimmy, Pepe Kale, Tessa Dalias. Ils sont disparus, ils sont immortels par les réserves qui nous bercent, nous baissent, nous baissent. de ce monde. On les goûtera, on les laissera. Aucun Richard n'a payé la mort. L'orgueil terrestre ne sera rien, tout restera. Tout restera ici-bas. On n'amènera rien. Tout restera ici-bas. Le jour de la mort. Les scientifiques fétichaires, ils laisseront tout ici-bas. Le jour de la mort, il n'y aura plus de puissance. On ira bouche fermée, tout restera. Tout restera ici-bas. On n'amènera rien. Tout restera ici-bas. Le jour de la mort, tout restera ici-bas. On n'amènera rien. Tout restera. Si tu es en bonne santé, loue le Seigneur. Mange et bois ensemble avec tes amis. Le jour de ta mort, tu seras enterré par eux. Tu es éthéré, tu deviendras poussière. Tout restera. Tout restera ici-bas. Le jour de la mort. Tout restera ici-bas. Tu n'amèneras rien. Tout restera ici-bas. Même ta propre famille. Les chefs des villages et toute la cité, aucune personne n'a économisé l'argent de sa mort. Le jour de la mort d'une personne non cotise seulement. Tu dois bouffer ton argent quand tu es encore vivant. Tout restera. Tout restera ici-bas. On n'amènera rien. Tout restera ici-bas. Le jour de la mort. Tout restera ici-bas. Salam.